Je suis sur une autoroute. C'est confirmé par le panneau directionnel à fond bleu. J'approche d'une sortie qui mène vers Mont-de-Marsan. C'est la raison pour laquelle cette ligne est faite de pointillés. Elle a pour but de dissuader les dépassements à ceux qui voudraient prendre la direction de Mont-de-Marsan. Pour ma part, puisque j'ai l'intention de continuer vers Bordeaux, je peux dépasser cette voiture. Réponse A et C.